Proverbe chapitre 19. Le pauvre qui marche dans son intégrité, vaut mieux que celui qui pervertit ses lèvres, et qui est fou. La vie même sans science n'est pas une chose bonne, et celui qui se hâte des pieds, s'égare. La folie de l'homme renversera son intention, et son cœur se dépitera contre l'Éternel. Les richesses assemblent beaucoup d'amis, mais celui qui est pauvre, est abandonné de son ami. Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges, n'échappera point. Plusieurs supplient celui qui est en état de faire du bien, et chacun est ami d'un homme qui donne. Tous les frères du pauvre le haïssent, combien plus ses amis se retireront-ils de lui? Poursuit-il, il n'y a que des paroles pour lui. Celui qui acquiert du sens, aime son âme, et celui qui prend garde à l'intelligence, c'est pour trouver le bien. Le faux témoin ne demeurera point impuni, et celui qui profère des mensonges, périra. L'aise ne sied pas bien à un fou, combien moins sied-il à un esclave de dominer sur les personnes de distinction. La prudence de l'homme retient sa colère, c'est un honneur pour lui de passer par-dessus le tort qu'on lui fait. L'indignation du roi est comme le rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. L'enfant insensé est un grand malheur à son père, et les querelles de la femme sont une gouttière continuelle. La maison et les richesses sont l'héritage des pères, mais la femme prudente est de par l'Éternel. La paresse fait venir le sommeil, et l'âme négligente aura faim. Celui qui garde le commandement, garde son âme, mais celui qui méprise ses voies, mourra. Celui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel, et il lui rendra son bienfait. Châtie ton enfant tandis qu'il y a de l'espérance, et ne te soucie point de son cri. Celui qui est de grande furie, emporte la peine, et si tu l'en retires, tu y en ajouteras davantage. Écoute le conseil, et reçois l'instruction, afin que tu deviennes sage en ton dernier temps. Il y a plusieurs pensées au cœur de l'homme, mais le conseil de l'Éternel est permanent. Ce que l'homme doit désirer, c'est Dieu heures de miséricorde, et le pauvre vaut mieux que l'homme menteur. La crainte de l'Éternel conduit à la vie, et celui qui l'a, passera la nuit étant rassasié, sans qu'il soit visité d'aucun mal. Le paresseux cache sa main dans le sein, et il ne daigne même pas la ramener à sa bouche. Si tu bats le moqueur, le niais en deviendra avisé, et si tu reprends l'homme intelligent, il entendra ce qu'il faut savoir. L'enfant qui fait en tes confusions, détruit le père, et chasse la mère. Mon fils, cesse d'ouïr ce qui te pourrait apprendre à te fourvoyer des paroles de la science. Le témoin qui a un mauvais cœur, se moque de la justice, et la bouche des méchants engloutit l'iniquité. Les jugements sont préparés pour les moqueurs, et les grands coups pour le dos des fous.